Chapitre 10e. Les funérailles de Casimir eurent lieu le lendemain. Robin voulut rendre lui-même les derniers honneurs au vieillard. Il l'ensevelit dans le hamac tissé pendant la nuit et creusa seul une fosse profonde au grand étonnement des Indiens qui ne pouvaient concevoir tant de respect de la part d'un blanc pour la dépouille d'un noir. Il désira que son ami reposât en ce lieu où, dans un moment d'abnégation sublime, il avait héroïquement terminé sa longue existence d'amour et de dévouement. Les arbres abattus par l'ouragan seraient brûlés plus tard. Les Robinson y installeraient une habitation, sorte de succursale de la bonne mère, et viendraient y passer de temps à autre quelques moments. La tombe de Casimir ne serait pas délaissée. Robin creusait toujours. Chose étrange, la terre friable semblait avoir été précédemment remuée. Le travail avançait pourtant avec lenteur, grâce à un amoncellement de roches pesantes dont le dépôt n'avait pu être opéré fortuitement. Il les lançait une à une du fond de l'excavation et reprenait incontinent son terrassement. Sa bêche de bois dur, habilement façonnée en forme de pagaie avec le sabre d'abattu, traversa bientôt un lit épais de feuillage vert à peine flétri. Cette fraîcheur relative attestait que la terre avait été fouillée depuis quelques jours à peine. Il hésita un moment avant de continuer. « Vais-je donc trouver ici un autre cadavre ? Serais-je un inconscient violateur de sépulture ? » murmura-t-il en hésitant. Il allait remonter et sortir de la fosse, quand son pied nu enfonça brusquement et rencontra un corps dur, dont le contact érailla douloureusement son épiderme. Il se baissa et reconnut avec surprise le couvercle d'un pagara entouré d'une liane et que la pression avait effondré. Il tira fortement à lui le câble végétal, éprouva une sérieuse résistance. Enfin, après d'énergiques efforts, il parvint à arracher le panier de jonc qu'il eut toutes les peines à soulever au-dessus de sa tête tant il était pesant. Il le déposa hors de l'excavation, sortit un second pagara semblable au premier, puis un troisième, puis un quatrième. Henri s'approcha, lui tendit la main et l'aida à se hisser. Les pagaras furent ouverts. Ils étaient pleins d'or. Chacun d'eux renfermait une quantité de métal en pépites que les Robinson évaluèrent à plus de 150 kg, soit environ 450 000 francs. On connaît le souverain mépris que tous professaient pour les richesses. Nul ne sera étonné si aucun cri, si aucune manifestation de joie n'accueillit la découverte de cette fortune. Les Indiens, ignorant la valeur de l'or, s'approchaient curieusement et témoignaient tout l'étonnement que leur causait la vue des pépites dont quelques-unes atteignaient un volume considérable. Robin regardait ce trésor d'un œil indifférent. « Pauvre ami, » dit-il, comme si Casimir pouvait l'entendre, « pauvre cher mort. Après avoir été ma providence au jour de l'adversité, après avoir sacrifié ta vie pour moi, faut-il que même après ta mort, tu nous donnes l'opulence ?»« Père, » s'écria brusquement Henri, « je crois être l'interprète de la pensée de ma mère, de mes frères et de Nicolas, notre frère aussi, en te disant que nous importe la richesse. Quel besoin avons-nous de cet or que nous méprisons? La forêt, avec ses ressources, n'est-elle pas à nous? N'avons-nous pas nos bras pour travailler, nos champs pour vivre? Que nous importe aussi la vie civilisée avec ses luttes mesquines, ses appétits désordonnés, ses besoins que nous ignorons et ses haines encore inassouvies? Nous sommes les Français de l'Équateur, les libres colons de cette Guyane que nous aimons, bien qu'elle ait été la terre de l'exil. Elle nous fournira notre pain et nous fera une terre de rédemption de celle qui fut la terre de malédiction. Bien, mes fils, vous êtes des hommes et je suis fier de vous. Qu'il soit fait comme vous le voulez. Je suis trop heureux de souscrire à votre volonté. » Et les Robinson, sans plus tarder, poussèrent dédaigneusement du pied les pépites qui tombèrent pêle-mêle dans la fosse avec les pagaras et les roches. L'excavation fut comblée, le terrain nivelé comme précédemment. Nul vestige ne pouvait désormais révéler la présence de l'opulente cachette. Les funérailles, un moment interrompues par cet incident, furent achevées au milieu d'un profond recueillement, et Casimir reposa dans un tombeau creusé à une dizaine de mètres du trésor. Une roche énorme fut roulée sur sa sépulture par ses amis aidés des Indiens, et Robin, avec la pointe de son sabre, grava sur le roc ces simples mots « Si j'y un homme de bien ». Le secret de l'or était enfoui de nouveau. Resterait-il pour l'éternité confié à la garde de celui qui fut le lépreux de la vallée sans nom ? La triste cérémonie étant achevée, les Robinson pensèrent à retourner à l'habitation de la bonne mère. Mais les Indiens, tenaces comme de grands enfants, voulaient absolument remettre à Charles la suprême dignité dont celui-ci ne se souciait en aucune façon. Les explications eussent été complètement impossibles si Angoso, qui par bonheur parlait fort couramment leur langue, n'eût servi d'interprète et de médiateur. Les pourparlers étaient interminables et la discussion menaçait de s'éterniser quand Charles résolut fort à propos la question. Il avait, au cours de sa captivité, remarqué un jeune Indien, âgé d'environ 20 ans, qui lui avait dès le premier moment témoigné une vive sympathie. Ce peau-rouge, d'une taille élevée, d'une figure agréable, semblait doué d'une intelligence supérieure à celle de la plupart de ses compagnons. Charles pensa qu'il ferait un excellent capitaine. Il fit part de son idée à son père, qui naturellement lui donna toute son approbation. Le difficile était de le faire admettre par le clan des Émérillons et des Tios réunis. Le prétendant malgré lui était fort perplexe, quand la pensée lui vint de passer au cou de son remplaçant le collier de Jacques, ce piaille merveilleux dont la possession était l'objet d'une si grande vénération. L'enfant ne s'était pas trompé. La remise de l'emblème, qu'il opéra avec la gravité, la solennité d'un monarque conférant le collier de la toison d'or, eut pour résultat de faire entrer immédiatement son protégé en jouissance de la succession de feu à Combaca. À propos d'Acombaca, un dernier mot relativement à cette peu intéressante victime du secret de l'or. Son cadavre sans tête ayant été abandonné pendant une nuit aux multiples éventualités d'un séjour dans la forêt vierge, fut dévoré par les fourmis manioc. Il fallait bien s'y attendre. Les cérémonies de l'investiture de son successeur furent courtes. Les Indiens n'avaient pas une goutte de liquide pour la célébrer. Pour comble d'infortune, toutes leurs provisions étant épuisées, la famine allait s'abattre sur eux. Heureusement que la bonne mère, avec ses inépuisables ressources, n'était pas éloignée. Robin, par l'entremise d'Angoso, leur proposa de s'y rendre, leur promettant de les héberger abondamment et de pourvoir à leurs besoins ultérieurs. Ce serait pour Charles le don de joyeux avènements. Sans avènements. Cette proposition obtint un succès d'enthousiasme. La troupe se mit en route et arriva sans incident à l'habitation dont les pensionnaires avaient été bien délaissés depuis quelque temps. La réception n'en fut pas moins cordiale, en dépit de l'augmentation du nombre des habitants. Les Indiens furent émerveillés à la vue de cette abondance, fruit du travail de quelques hommes, mais d'un travail continu, méthodique et intelligent. Ils s'installèrent commodément, selon les habitudes particulières à leur race, et bientôt l'habitation offrit le spectacle curieux et réconfortant d'une ruche en travail. Les fêtes eurent lieu les jours suivants, et chose rare, avec une sobriété relative, exempte de tout désordre. Le contact des Blancs, leurs leçons, leurs exemples, portaient déjà des fruits et faisaient naître un germe de civilisation. Les progrès de cette remarquable évolution furent à ce point rapides que les Peaux-Rouges, heureux, transformés, régénérés, demandèrent à Robin la faveur d'élire domicile près de lui et de faire définitivement partie de la colonie. Vous pensez si cette autorisation fut accordée de bon cœur? Il fut convenu qu'une délégation partirait dans le plus bref délai à la recherche des femmes, des vieillards et des enfants dont l'arrivée doublerait l'effectif des Français de l'Équateur. Angoso et ses fils, revenus des préventions séculaires des hommes de leur race contre les Indiens, vivaient en parfaite intelligence avec les nouveaux venus. C'était merveille de voir les athlètes noirs, ardents à la chasse, intrépides au travail, adroits, industrieux, complaisants, évoluaient familièrement au milieu de leurs ennemis de la veille, qui de leur côté, comprenant les bienfaits de l'association et du sédentarisme, ne demandaient pas mieux que de renoncer à leur vie nomade et de former une grande famille sans distinction d'origine et de couleur. Un mois se passa de la sorte, sans le plus léger nuage, sans que la proverbiale paresse des Indiens amena pour les autres membres de la colonie le moindre surcroît de travail. L'existence était large, facile, abondante pour tous, et la fatigue insignifiante. C'est que nul ne cherchait à se dérober à la loi commune. Aussi, les forces individuelles étant unifiées, il était facile de les porter sur les grandes entreprises d'installation, de récolte et de défrichement. L'effort général avait son action sur un seul point sans la moindre déperdition. Tel travail qu'il n'eût été possible d'accomplir qu'au prix de fatigue écrasante et après un temps d'une durée considérable, était terminée en quelques moments, à la grande stupéfaction des Peaux-Rouges, ignorant la méthode et pratiquant le gaspillage des heures et des productions naturelles. Le jour du départ des délégués pour le village, situé, l'on s'en souvient, à plusieurs journées de canotage, tout travail cessa. Il y eut fête à la bonne mère. L'on fit la conduite aux voyageurs, puis, sur la proposition de Robin, la colonie entière se transporta, comme en pèlerinage, au tombeau de Casimir. L'aspect de la clairière, où s'étaient passés tant de dramatiques événements, avait subi de sensibles modifications. Les feuilles des géants renversées par l'ouragan, chauffées par les rayons du soleil équatorial, avaient pris des tons roux, semblables à ceux de nos forêts de chênes pendant l'hiver. Le moment approchait où le feu consumerait ces débris. Cette terre vierge serait bientôt mise en culture. Les Robinson, précédés du chef de la famille, s'avancèrent lentement, en silence, vers l'endroit où reposait leur vieil ami. Le roc, servant de pierre tumulaire, leur apparut bientôt entouré d'une folle profusion de fleurs. Un cri de surprise leur échappa, à la vue de ce parterre embaumé, aux corolles éclatantes, sur lesquelles rutilait un éblouissant écrin d'oiseaux-mouches, de libellules et de papillons. La main gracieuse de la fée des fleurs avait-elle spontanément transformé en parterre la sépulture de l'homme de la nature? Le génie de l'or avait-il donné ce témoignage de regret à l'innocente victime du secret violé? Les mystérieux dépositaires du trésor dédaigné par les Blancs avaient-ils voulu attester ainsi leur gratitude par cette pieuse offrande? Au cri de surprise des colons répondit un hurlement suivi d'un râle étouffé. C'était une voix humaine, rendu méconnaissable par une indicible expression de souffrance. L'oral reprit, rauque, saccadé, comme une dernière révolte d'un agonisant contre l'étreinte de la mort. Robin, le sabre à la main, se dirigea, suivi de ses fils, vers le point rapproché d'où partait ce bruit. Il écarta de sa lame les herbes folles qui, depuis un mois, avaient acquis un développement de près d'un mètre, et s'arrêta, cloué au sol, à 10 pas à peine du tombeau. Il était sur le sol dans lequel les pépites avaient été enfouies. Un spectacle épouvantable s'offrit à ses regards. Un homme, un Européen, couvert à peine de vêtements, en lambeaux, les mains crispées sur 2 poignées de terre, la barbe souillée d'une écume sanglante, se tordait au bord d'une excavation profonde. Un de ses yeux, rongé par un mal horrible, avait disparu. L'orbite, sans paupières, s'ouvrait béant, bleuie comme un ulcère. L'autre paraissait sans regard. Les cartilages des oreilles ne présentaient plus que des morceaux informes. La bouche aux lèvres tuméfiées faisait au milieu de ce visage décomposé une double saillie violâtre. Enfin, de ces hideux lambeaux de figure s'exhalait une écœurante odeur de putréfaction. Robin reconnut cependant le misérable. C'était Benoît. « Lui ? » s'écria-t-il avec horreur. « C'est lui ? Ah, mon pauvre Casimir, tu es cruellement vengé !» L'oral devenait de plus en plus saccadé. L'assassin n'avait que peu d'instants à vivre. Le proscrit, dont le grand cœur ignorait la haine, s'approcha, ému malgré lui à la vue de cette terrible représaille dont seule était responsable la destinée. Il se baissa, malgré les émanations suffocantes, et fit signe à ses fils d'avancer. Le regard de Henri plongea au fond du trou au bord duquel se débattait l'ancien surveillant. L'excavation était complètement vide. L'œil n'apercevait plus aucune trace d'or sur le fond, minutieusement débarrassé de tous les corps étrangers. Le trésor avait disparu. À ce moment suprême, le moribond, tordu par une dernière convulsion, s'accroupit sur les roches nues, puis son corps robuste, qui luttait désespérément contre la mort, se dressa, rigide, convulsé. Son visage, dont la peau fluctuait, tour à tour gonflé et creusé par un mystérieux fourmillement, se tourna vers les Robinson. Son œil unique avait-il encore un vague sentiment de vision? Le misérable pouvait-il soupçonner leur présence? Sa haine survivait-elle à la sensibilité? Ce suprême regard implorait-il le pardon? Il poussa un dernier cri, une sorte d'aboiement bref, rauque, étouffé. Alors, il se passa quelque chose d'effroyable. Sa peau se crevassa et s'ouvrit en 20 endroits. Les chairs quittèrent les os et tombèrent à terre au milieu d'une véritable pluie de larves blanchâtres. Une face de squelette, disséquée vivant par ces milliers de larves, apparut. Benoît battit l'air de ses bras et tomba lourdement à la renverse au fond de la fosse qui avait renfermé le trésor. sa victime a pardonné. Qu'il repose en paix à ses côtés, dit Robin d'une voix basse et triste. Qu'il repose en paix, répondirent les Robinsons. La fosse fut comblée pour la seconde fois, et bientôt il ne resta plus trace des hideux restes de la dernière victime du secret de l'or. Les jeunes gens et leur père revinrent à la clairière et firent part de cet étrange et dramatique événement à leur mère inquiète. « Mais c'est horrible !» répétaient à satiété Henri et ses frères écœurés. « Le malheureux, il était bien coupable, mais comme il a dû souffrir !»« Rien ne saurait vous donner une idée des tortures qu'il a endurées. Depuis plusieurs jours peut-être, il était là, près de cette fosse béante, d'où s'étaient envolées ses espérances. Incapable de mouvement, en proie à un mal terrible, il s'était senti rongé, lambeau par lambeau, sans que la mort vînt le débarrasser. Quel est donc ce mal qui l'a tué? Il a succombé sous les atteintes d'un insecte, plus redoutable à lui seul que tous les fauves, tous les insectes, tous les reptiles qui pullulent dans les solitudes du Nouveau Monde. C'est la mouche hominivore. Cette mouche doit être d'aspect formidable. Non, mes enfants, bien au contraire. La mouche anthropophage, appelée par les naturalistes Lucilia hominivorax, semble absolument inoffensive. Elle n'a ni l'aiguillon douloureux de la mouche sans raison, ni le dard empoisonné du scorpion, ni même la trompe venimeuse du maringouin. Rien ne la désigne à l'attention de sa victime. On dirait la vulgaire mouche à viande, dont elle possède la taille et le léger bourdonnement. Elle habite ordinairement les grands bois. Elle s'introduit dans les fosses nasales où les oreilles de l'homme endormi y dépose ses œufs et s'en va tranquillement. Cet homme est perdu, et la science elle-même, avec toutes ses ressources, est 8 fois sur 10 impuissante à le sauver. En effet, ses œufs, grâce à la température ambiante et le milieu de développement dans lequel ils se trouvent, subissent une transformation rapide. Le sujet les couve en quelque sorte. Au bout d'un temps d'incubation assez court, ils accomplissent une première métamorphose et deviennent des larves. Les sinus frontaux, les fosses nasales, la cavité de l'oreille moyenne deviennent le réceptacle où s'accomplit ce phénomène. Les larves fouissent alors dans l'épaisseur du tissu musculaire aux dépens duquel elles prennent leur subsistance. Elles se substituent à la chair, comme le poussin à l'œuf qui le nourrit. Elles isolent la peau des os en prenant la place des muscles et s'agitent sous la couche épidermique avant de la percer, jusqu'au moment où, devenues insectes parfaits, elles prendront leur vol. Le malheureux, ainsi disséqué vivant, succombe fatalement, quand bien même, ainsi que je l'ai vu à l'hôpital de Saint-Laurent, on parviendrait à le débarrasser des larves par une médication énergique. En effet, les désordres inflammatoires causés par la présence de ces insectes dans le voisinage du cerveau produisent une méningocéphalite toujours mortelle. Mais c'est affreux. Et nous sommes exposés à une pareille catastrophe pendant notre sommeil. Rassurez-vous, mes chers enfants, le docteur C., qui a étudié les mœurs de ces redoutables hyménoptères, a remarqué qu'elles s'attaquent de préférence aux personnes malsaines, et surtout à celles qui exhalent par les narines une mauvaise odeur. Cette odeur les attire comme celle des chairs corrompues sur lesquelles se jettent avidement certains animaux et certains rapaces. Et tu penses, père, qu'il n'y a pas de remède à ce fléau ? Tu dis bien un fléau. Heureusement qu'il est assez rare. La plupart des tentatives furent opérées sans succès, et pourtant les essais ont été bien variés. On a employé tour à tour l'essence de térébenthine, le chloroforme, l'éther et la benzine. Ces substances, portées directement dans les foyers d'infection, ont amené des émissions de larves qui sortaient par centaines, soit des oreilles, soit des fosses nasales, soit de trajets fistuleux consécutifs à la perte de substances organiques. C'est ce dernier agent, la benzine, qui semble jusqu'à présent avoir seul entravé le progrès du mal. Encore faut-il que la maladie soit prise dès le début, et que les migrations des larves ne les aient pas portées près du cerveau. « Quelle horrible mort !» dit en frissonnant Eugène, que semblait poursuivre le souvenir de l'agonie du misérable. « Quelle effroyable expiation !»« Cet homme était notre mauvais génie. Aujourd'hui seulement, nous sommes soustraits à cette menace, qui, comme un glaive à double tranchant, était suspendu sur nos têtes. Sa haine, la proscription. Il est mort. Je suis libre. » Que ne puis-je, hélas, presser sur mon cœur celui qui me recueillit moribond, qui me sauva, qui m'aima? Pourquoi le bonheur que procure à mon âme ce mot magique de liberté est-il à jamais empoisonné? Et maintenant, mes fils, une vie nouvelle commence pour les Robinsons de la Guyane. Nous fûmes les naufragés de cet ouragan qui désola notre chère patrie, qui broya tant d'existences et fit couler tant de larmes. Pendant de longues années, cet asile, que nous offrirent dans leur repère les fauves, moins féroces que les humains, fut au moment d'être violé. Il nous fallait éviter et l'approche de l'homme primitif et le contact de celui qui se targue de civilisation. Il nous était interdit, sous peine de danger imminent, de compléter notre œuvre de colonisation en conviant au banquet de l'intelligence ceux qui, depuis tant d'années, se méconnaissent et se haïssent au milieu des splendeurs de notre pays d'adoption. Il ne suffit plus aujourd'hui d'arracher à la terre ses secrets, de défricher, de planter et de recueillir. Notre mission est plus haute. Il est d'autres broussailles qu'il nous faut saper, d'autres marais que nous devons assainir, d'autres semences à faire germer. Vous m'avez compris, sur ce sol fécondé par notre travail et qui ne demande qu'à produire, végètent des hommes dont l'esprit exige une culture analogue, des soins plus assidus encore. La grandeur de l'entreprise est digne de notre vaillance. À moi, mes fils, à l'œuvre, français de l'Équateur, en avant, pionniers de la civilisation, improvisons ici un coin de France, conquérons pour notre patrie des hommes et de la terre, sauvons de l'anéantissement cette race indienne qui s'éteint, et collaborons de toutes nos forces à la prospérité de notre France équinoxiale. Ainsi s'achève Le secret de l'or, deuxième partie des Robinsons de la Guyane, par Louis Bousnard.